RAS, quelques mensonges, ils ont tordu l'info. Rien de méchant, ils diront que ce sont les plus synchro. On défraie la chronique, on ramène ce qu'on a promis tapiger. Hein, je me dis que ça sert à rien comme un pronostic validé. L'inspi vient d'un spliff, j'ai la rime pleine. C'est ok, je dirais top si aucune note ne me donne la migraine. Et je bosse la rime comme personne le ferait, comme personne ne ferait le boss. Tout autour, y'a que des teutrés, j'ai pas le temps de faire le gosse. Trop de conflits, tu te confies, approfondis ton profil tard le soir. Donne pas de conseils, t'as pas le temps d'en recevoir. Trop de malheur, hein, c'est le bonheur que je veux voir. On m'a dit, à ce qui parle, est une femme aux cheveux noirs, foutaise. Je pourrais dire à l'inverse en kickant sous la verse. J'emmerde ton avis car les galères sont halles toute la semaine. On navigue dans la musique, on manie la rime. Si, si, on sera convaincu seulement quand Marine partira vite d'ici. Rime rap, rien à faire, on vient de la street, fils. Normal qu'on baise la vie quand elle nous fait un striptease. Shit, shit, dans les soirées chic, oui, je suis qu'un enfoiré triste. MC qu'on réanime à l'audard des yébis. Rime rap, rien à faire, on vient de la street, fils. Normal qu'on baise la vie quand elle nous fait un striptease. Shit, shit, dans les soirées chic. Oui, je viens d'en foire être triste. On n'est pas des pions, arrêtez le décompte. Regardez les ongles au fond, j'ai pas besoin de compter les secondes. Pour les 16 mesures qu'on fait, je t'assure, pas besoin de compter les moutons pour pioncer. Tu le sais, ça c'est sûr, on est poncé. Mais bon, loin de l'usure, ne pas rater la cible. Les choses évoluent donc, ne pas rater la suite. Les galères d'argent, ça rend sourd. Je continuerai de parler après 40 coups. Fuck si le temps, ça rend fourbe. T'es pris dans la course, fâché, caché comme une arme. Dans un tiroir, comme un stylo dans la trousse. Les problèmes, les solutions, brise ton histoire. Ne pas paralyser, s'actualiser. Devant le triste miroir, un cri de guerre, une victoire. Juste une solution dans mon océan de poèmes, une goutte d'espoir. J'ai compris vite que dans la vie faut faire des choix. J'ai pris la feuille du coup pour te raconter mes peines et joies. Rime rap, rien à faire, on vient de la street, fils. Normal qu'on pèse la vie quand elle nous fait un striptease. Shit, shit, dans les soirées chic, oui, je suis qu'un enfoiré triste. MC qu'on réanime à l'audard des yébis. Rime rap, rien à faire, on vient de la street, fils. Normal qu'on pèse la vie quand elle nous fait un striptease. Shit, shit, dans les soirées chic, oui, je suis qu'un enfoiré triste.